Vous écoutez Cinéphile de notre temps. Entouré par le 7e art dès sa jeunesse, notre invité ne se destine pourtant pas de prime abord au cinéma. Diplômée d'études de genre, de sociologie et d'art à Londres, elle fait son premier film alors qu'on lui avait simplement demandé de la traduction d'une vieille cassette audio. 2 ans plus tard, toujours portée par des archives sonores et visuelles, elle réalise son second film, dans lequel elle raconte l'histoire de sa grand-mère, Carole Roussopoulos, et de son amie chère, Delphine Sirig, à travers leur lutte politique et féministe. Portée par la puissance des images et du son, cette cinéphile de notre temps n'est pas perdue dans le passé et utilise aussi les outils de son époque. Elle fait des collages sur YouTube, chante, chuchote et glane des images sur Internet pour créer des vidéos politiques et drôles. Digne héritière d'une lignée de femmes cinéastes et bricoleuses comme Agnès Varda, Nelly Kaplan et bien sûr Carole Roussopoulos, nous sommes très heureux et heureuses aujourd'hui d'accueillir à notre micro Callisto McNulty. Bienvenue et merci beaucoup d'être venue dans notre émission. Merci pour cette invitation, je suis très heureuse aussi d'être avec vous aujourd'hui. Et on va poursuivre avec une petite citation pour commencer. Je n'ai jamais été une cinéphile pure et dure, et maintenant je ne vais quasiment plus au cinéma. Je n'ai pas envie d'aller voir des films par simple curiosité, pour me faire mon idée. Il faut qu'on me dise qu'il y a quelque chose d'essentiel à découvrir, mais j'en demande sans doute trop. Et c'est une citation de Chantal Akerman, lorsqu'on lui a demandé justement, dans les années 2000, de dévoiler sa cinémathèque idéale à la bibliothèque du film de la Cinémathèque française. Alors, est-ce que ça te parle ? Bah, un peu, ouais. Je dois dire que je vais souvent au cinéma voir des films qu'on m'a recommandés, ou non, pas tellement au cinéma, mais plutôt les films que je vois sur mon ordinateur ou que je vais aller voir sur des sites comme Mubi ou même parfois Netflix, j'avoue, ou des films que je glane. Par ces temps, par les temps qui courent, c'est un peu plus. C'est vrai que c'est souvent des films qu'on m'a recommandés. Et j'aime beaucoup... Je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'affect. Quand on t'a recommandé un film, il y a aussi une rencontre avec quelqu'un qui l'a vu, un autre, une ou un cinéphile. Et c'est vrai que je la comprends assez, en fait. Mais en même temps, j'ai aussi un côté assez aventurière, curieuse. J'adore aller au cinéma... dans la journée sans trop savoir ce que je vais voir. Et puis je rentre dans une salle de ciné et puis je découvre un film... Il y a aussi une dimension comme ça, d'aller à l'aventure, en fait, à travers le cinéma qui me plaît bien. Donc je m'identifie, mais pas tout à fait non plus, mais c'est assez fort, ouais. Et la première partie de la citation, « Je ne me sens pas cinéphile », c'est quelque chose qui te parle ou justement, t'es pas du tout en résonance avec ça ? Bah, je pense que je ne me destinais pas, par exemple, à être réalisatrice nécessairement, même si ma grand-mère était réalisatrice et que je la voyais très souvent travailler à sa table de montage quand je passais mes vacances avec elle en Suisse, petite jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais par exemple, c'est vrai que je pense que c'est plus à travers la fabrication des films et à travers l'expérience de cette enquête que j'ai réalisée avec une amie, Anne d'Estival, que j'ai eu envie de faire des films. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si c'est la cinéphilie qui m'a poussée à faire des films. Je crois que c'est plutôt les rencontres et un projet qui s'ouvre à moi ou une envie tout à coup de mener quelque chose à bout et de commencer une aventure. Oui, on après, sent dans ton premier film. Voilà, dans Eric Stepp, dans Delphine et Carole aussi, dans tous ces projets que je réalise encore aujourd'hui. Enfin, je pense que ça part plutôt d'un désir de faire quelque chose ensemble, puisque souvent les films, c'est quand même des aventures collectives. Même si je pense quand même que souvent, quand on travaille avec les images et qu'on fait des documentaires, des films, bah, y a quand même, je pense, un fond de cinéphilie. Et c'est aussi en découvrant le regard d'autres personnes, de réalisateurs, de réalisatrices, d'artistes, mais aussi de musiciens. C'est ça qui inspire aussi, qui donne envie de faire. Non, je pense quand même que plus jeune, j'étais cinéphile. Mais cinéphile, ça fait un peu peur comme terme, je trouve. Bah, c'est justement pour ça qu'on fait cette émission, pour dire que finalement, c'est un peu à la portée de tous. C'est que c'est pas un gros mot. Ouais, mais il y a un côté un peu tout à coup expert. Et je me sens pas du tout experte. Et d'ailleurs, quand vous m'avez proposé de faire cet entretien, J'avais assez peur parce qu'en fait, je sais que par exemple, je suis assez. J'ai des amies qui ne sont pas forcément des réalisatrices, mais qui adorent me raconter les films qu'elles ont vus. Elles vont me décortiquer des séquences de films, me parler des histoires. Et moi, c'est quelque chose, quand on me demande, mais quel film t'as vu? Je vais parler d'émotions ou d'un moment précis, mais je suis tellement mauvaise pour faire des résumés de films ou raconter, décrire des séquences, quoi. Donc, j'étais un peu. Je me disais, bon, bah, il faudra que je me prépare bien. Donc... Mais... bah, t'as plutôt bien répondu. D'ailleurs, on va commencer ton portrait parce que la première question qu'on t'a posée, parce que tu nous as donné beaucoup de réponses. Donc, la première question qu'on t'a posée, c'est si tu étais un combat au cinéma, lequel serais-tu? Et tu nous as donné deux combats. L'un qui était collectif, celui dans le film Riz amer de Giuseppe De Santi. C'est un film néo-réaliste du cinéma italien. Qui date de 1949, et qui nous a donné un autre combat, beaucoup plus solitaire, qui est celui de Mona, dans le film d'Agnès Varda, dans le film « Sans toi ni loi ». Et voilà, on voulait donc te demander pourquoi ces deux combats-là, qui sont assez différents, et comment, pour toi, est-ce que tu peux les rejoindre ? Non, c'est vrai que ces deux combats qui sont... Mais d'ailleurs, assez ambiguës, parce que quand j'ai pensé à Riz amer, j'avais oublié, j'ai revu du coup la séquence du film... Et c'est une séquence que je trouve très belle parce qu'effectivement, il y a cette chose collective et surtout de l'engagement par le chant et par donc, la joie aussi. Et c'est quel combat quel, c'est quel le combat donc, de femmes, de travailleuses qui travaillent dans des rizières donc, en Italie du Nord. C'est des travailleuses saisonnières aussi et qui donc sont en train de récolter le riz et tout à coup se mettent, bon, je pense, chantent souvent quand elles travaillent. Et arrivent sur leur terrain de travail des travailleuses journalières et pas saisonnières, et donc ils vont mettre en péril leur labeur en fait et leurs droits, puisque donc il y a une division qui s'opère là. Et au début, le chant, c'est quelque chose, c'est un chant qui divise, puisqu'en fait elles se répondent et elles se combattent d'une certaine manière à travers comme ça des répliques chantées. Et petit à petit, en fait, elles vont s'unir, en fait, à travers le chant. Et donc, je trouve que c'était une séquence vraiment très, très belle, avec en plus Silvana Mangano, c'est ça qui est juste magnifique dans ce film, et d'une sensualité et d'une puissance aussi. Après, c'est un film en même temps assez dramatique, assez... Oui, qui finit pas très bien, qui finalement. Finit mal, qui est finalement... Donc, c'est assez bizarre, mais j'ai vraiment pensé à cette séquence-là et pas tant au film qui est loin d'être très féministe au final, mais avec des choses quand même très belles dedans et assez, assez fortes. Et c'est vrai que ça s'éloigne d'un combat qui est beaucoup plus électron libre de Mona dans le film d'Agnès Varda, Sans toi ni loi, mais qui, moi, m'émeut énormément parce que je trouve que c'est une jeune fille qui a moins de 18 ans, qui a 18 ans, je ne sais pas, qui est magnifiquement interprétée par Sandrine Bonnaire. Et qui a un électron libre et qui veut vivre sa vie comme elle l'entend, j'imagine, à travers aussi des formes d'empêchement social. Elle est, on ne comprend pas très, très bien, il me semble. Je l'ai vue il y a quelques temps déjà. Donc, je crois qu'elle était secrétaire à la base et qu'elle a tout quitté. Enfin, elle était dans le secrétariat, je crois. D'accord. Il y a une forme de rejet, en tout cas, dans sa position, dans sa posture. C'est ça. Et en fait, il y a un rejet de... un rejet social aussi du monde et des normes grégaires aussi, des joies collectives. Et cette fille, cette jeune fille qui a un côté assez misanthrope aussi et qui part sur la route et qui est dans l'errance, ou peut-être plus dans l'itinérance si on ne veut pas être dans quelque chose de trop péjoratif. Et c'est une lutte assez solitaire parce qu'en fait... Tout nous pousse dans ce monde à ne pas faire les choses seules, et surtout quand on est une femme, à se contenir. Et elle, en fait, elle y va et elle est dans cette ambivalence d'être à la fois très indépendante. Elle dit non, elle affirme sa singularité, et en même temps, elle est complètement dépendante des rencontres qu'elle va faire, puisqu'elle doit manger, elle doit trouver un toit. Et moi, c'est une figure qui m'émeut et qui me fait un peu penser même à Valérie Solanas, à des figures comme ça de très radicales, de dire non au monde, mais en même temps de, je pense, d'être liée à lui malgré tout, en fait. Voilà, d'être liée à lui. Et d'ailleurs, en fait, depuis qu'on a eu cette première discussion sur les films et les combats, j'ai vu un autre film américain, donc assez gros budget, mais moi qui m'a quand même vraiment touchée, qui est beau, qui s'appelle Nomadland, qui a été primé à Venise, et où c'est plus une jeune fille qui est nomade, mais c'est une femme de 60 ans, interprété par Frances McDormand. Mmh, c'est ça. Et produit par elle aussi. Et c'est un beau film sur des personnalités fortes, en même temps très fragiles. Bon, là, la différence, c'est que ça finit bien, cette histoire. C'est pas tragique. C'est-à-dire que sa volonté aussi de s'affranchir de certaines... De la cellule familiale, de la cellule, enfin, du travail, se fait aussi dans une revendication aussi, je pense, individuelle. Et elle ne meurt pas à la fin, donc c'est quand même... C'est plus joyeux. Ouais. Et ça donne pas plus de force au combat, mais en tout cas, ça dit qu'on peut aussi le faire, finalement, ce combat, je trouve. Ouais. On peut aussi le mener nous-mêmes. Tout à fait. De pas avoir une fin tragique comme celle de Mona. On t'a demandé en seconde question... Si tu étais une voix au cinéma, laquelle serais-tu ? Et tu nous as répondu de manière assez évidente, celle de Delphine Seyrig. Donc on voulait t'en demander quand même un petit peu plus. Oui, j'ai beaucoup réfléchi. J'avoue en fait que je ne suis pas dans une sorte d'idéalisation des voix d'hommes ou de femmes au cinéma. Donc en fait, j'ai vraiment dit ça plus parce que c'est une voix qui m'a accompagnée pendant longtemps, là, depuis quelques années, depuis le début du projet jusqu'au montage. Et c'est vrai que c'est une voix, bon, elle a une très belle voix. Mais en soi, moi, ce n'est pas tant sa voix qui est cette voix sensuelle, rauque, avec ce phrasé dont tout le monde me parle quand je parle de Delphine et Carole. Non, c'est plutôt ce qu'elle raconte et sa colère et son intelligence et sa liberté, quoi. Je trouve que c'est une femme qui porte une voix, mais pas une voix, je veux dire, dans son contenu aussi, pas que dans sa forme. Oui, et ce que j'aime bien, c'est que quand on l'entend dans ton film, donc Delphine et Carole, Insoumuse, quand on l'entend parler à la télévision ou dans des interviews, elle a toujours cette même voix très sensuelle, très rauque, comme tu dis, mais... Elle a cette voix magnifique et en même temps, elle l'affirme et elle dit des choses hyper importantes de cette voix si belle. Et donc, j'aime bien aussi, pas la contradiction, mais en tout cas, un espèce de frottement qui se fait entre ces deux choses qu'on pourrait mettre en contradiction. Bah, et justement, peut-être que c'est pour ça aussi que tout ce qu'elle dit est plus audible. Parce que si elle n'avait pas une voix aussi belle, peut-être que... Je pense qu'elle nous prend. Enfin, en tout cas, ceux qui résistent à ce qu'elle peut dire dans le fond... peuvent être un peu envoûtés par sa voix et donc les messages passent mieux. Et du coup, je pense que c'est une force. Et c'est aussi la force d'être une actrice engagée. Parce que, évidemment, elle est belle, elle incarne quelque chose de sensuel aussi. Et donc elle fait peut-être moins peur que si c'était quelqu'un de moche et de moins sexy. Et c'est malheureux, mais en même temps, elle le transforme et elle en fait une force. Donc, je pense que c'est important aussi. Et est-ce que pour toi, c'est devenu une voix un peu familière qui, justement, c'est un peu... Enfin... où tu l'as un peu enlevé de la Delphine Seyrig qu'on adore en ce moment, qu'on admire, etc. Est-ce que c'est devenu quelqu'un de plus familier près de toi, vu que tu as monté beaucoup de ses archives, que finalement tu es assez proche de ces deux personnages, qui étaient ta grand-mère et Delphine ? Ouais, en fait, c'est assez drôle, mais complètement. D'ailleurs, le film s'appelle Delphine et Carole. C'est comme si c'était... D'ailleurs, je parle de Delphine, je dis même plus Delphine Seyrig, comme si c'était quelqu'un... avec qui j'avais un lien sans jamais l'avoir connue. Elle est même décédée le mois de ma naissance, donc c'est quand même... mais oui, j'ai l'impression de... Enfin, j'ai eu accès donc, déjà à ses entretiens, à ses films, j'ai l'impression de bien la connaître, mais aussi à travers son fils, Duncan Youngerman, qui m'a montré aussi des lettres, toute une série de correspondances qu'ils ont eues ensemble. Et je trouve que c'est quelqu'un de tellement bon conseil, de tellement moderne pour l'époque, que... Des fois, je l'Élysée, j'avais l'impression qu'on discutait, qu'elle aurait pu être mon amie, quoi. Elle aurait été mon amie, je pense. Et c'est drôle parce que cette familiarité-là, je l'ai eue, bah, évidemment, en travaillant sur le film, mais je l'avais aussi un petit peu avant. Parce que Carole Ossopoulos, ma grand-mère, me parlait assez souvent de Delphine, ou quand il y avait des gens qui venaient, elle en parlait parce que c'était une amie en commun avec d'autres. Et donc, il y avait des photos à la maison, il y avait des objets aussi, il y avait des vêtements. J'ai hérité d'un petit haut de Delphine Seyrig que j'ai porté les étés. Donc, il y avait aussi cette familiarité-là, en fait, qui s'est faite par les objets, par quelque chose de... c'est pas une admiration purement détachée ou... De star, finalement. Et alors, c'est intéressant parce que tu nous parles d'amitié. Et justement, alors, non sans arrière-pensée, on t'a posé la question d'amitié au cinéma. Et en imaginant notamment une des questions que Delphine Seyrig avait pu poser dans un de ses films à plein d'actrices, le fait que beaucoup n'ont pas pu jouer des scènes juste d'amitié désintéressée dans des films. Et donc tu nous as répondu par deux films, Les Petites Marguerites, et un film beaucoup plus rare encore, Les Stances à Sophie, de Moshe Mizrahi. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est deux films qui se répondent assez bien, en fait. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi tu les as choisis ? Bah parce que je les trouve vraiment géniaux, ces films. Quand on m'avait posé la question, j'avais aussi vu Thelma et Louise, que j'adore, mais bon, qui est plus évident. Donc je pense que c'est j'avais qu'il est plus connu, voilà, ouais. Il est plus connu. Puis c'est aussi une histoire d'amitié qui se termine sur cette chute libre. Donc beaucoup de chutes, beaucoup de morts tragiques quand même. Oui, quand même beaucoup de morts tragiques dans ces films avec des personnages féminins forts. Le film donc Les Stances à Sophie, je trouve que bon, déjà, les personnages sont interprétés par donc Bernadette Lafont et Bulogier, sont tellement forts. Et puis, il y a une vraie solidarité, il y a de l'ironie. Et puis, ça m'inspire aussi pour le film que je suis en train de réaliser, où on a un peu ces sorcières du logis, en fait, qui sont Bernadette Lafont, qui se retrouve un peu embarquée dans ce monde bourgeois, donc alors qu'à la base elle est plutôt beatnik et hippie, et elle tombe amoureuse, on ne sait pas très bien pourquoi, comment, mais d'un bourgeois qui se marie, et elle se voit un peu contrainte d'intégrer cette cellule familiale, de s'occuper de son mari et de poursuivre ce contrat qu'ils viennent de mettre en place. Et elle fait la connaissance de Bulogier, qui est la femme d'un ami de son mari. Et en fait, Bulogier lui donne des conseils en domesticité, mais avec tellement de cynisme et d'ironie qu'il y a un truc à la fois tragicomique, quoi. Enfin, c'est... Et puis, un truc très fort qui se crée entre elles, et elles se soutiennent, et puis même, ça devient une parodie. Elles remettent en question, elles vivent leur domesticité, mais dans quelque chose de tellement parodique que ça en devient subversif, quoi. Et elle mène un combat politique aussi. Complètement, elle mène un combat pour la liberté, pour en fait une sorte de manifeste de sexualité qu'elles veulent mettre en place à destination des hommes, parce qu'ils n'ont pas compris grand-chose, quoi. Et non, c'est vraiment un très beau film. Et l'autre film dont je parlais, qui est Les Petites Marguerites, on retrouve aussi ce côté espiègle, ce côté un peu hyène, petite fille avec ses rires qui ponctuent le film. C'est un film d'une grande fantaisie, d'une grande liberté, réalisée par Vera Chitilova, chaque fois j'oublie son nom de famille, qui est sortie en 1966, donc un petit peu avant Les Stances à Sophie, et qui est un film tchèque qui a été censuré à sa sortie, et qui a été réalisé dans un contexte vraiment particulier de communisme, d'un monde un peu gris, un peu austère. Et ces deux Marguerites, qui s'appellent Marie et Marie, sont deux amies. On ne sait pas très bien le lien qui les unit, d'ailleurs. Il y a très peu de paroles. C'est vraiment plus des scènes de nourriture, de gaspillage de nourriture, d'engloutissement. Comme des clips, en fait. C'est ça. C'est un film fait avec du collage aussi, formellement. C'est très beau. C'est très coloré. C'est magnifique. Ouais, avec des moments de collage, de couleurs, de noir et blanc. Et ouais, moi je les trouve, c'est super décomplexant. Il y a un côté baroque aussi je trouve esthétiquement et formellement, c'est un film magnifique, exactement. Et comme dans Les Stances à Sophie, elle détourne toutes les injonctions qu'on donne aux femmes. Elle se joue des hommes qu'elle drague. Elles sont vraiment très drôles. Oui, pour qu'en fait, il les invite à dîner. C'est très drôle, cette scène où on la voit en train de dîner avec un vieux monsieur bourgeois qui ne dit pas grand-chose. En plus, dans une posture assez paternaliste, parce qu'ils sont à table. Elle fait vraiment la petite fille en train de manger, de mal manger, de se goinfrer. Après, elle croise par hasard, soi-disant, sa sœur, qui est en fait donc son amie Marie. Et puis, elle les en recommande, elle recommande. Il y a une surconsommation et une destruction, quoi. Et tout ça de manière complètement gratuite, c'est juste pour leur pur plaisir. Et c'est joyeux. Trouve... Ouais. Bon, c'est un peu déconcertant, mais c'est très joyeux. C'est très joyeux, ouais. Mais à la fin, c'est pareil. Elles sont un peu punies par cette quête des plaisirs qui les unit. Et, et le lustre tombe sur elle. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant. On a noté avec Clément que ces deux films-là, donc c'est des films de la Nouvelle Vague, Vera Štítilová en République tchèque et L'Estance à Sophie en France. Et en fait, bah, Vera Štítilová a été complètement censurée, donc on n'a pas vu son film pendant très longtemps. Et là, aujourd'hui, elle revient un peu au goût du jour. Et alors que L'Estance à Sophie, il a eu un petit succès à sa sortie. Mais aujourd'hui, on ne le trouve nulle part. C'est ça, il a été complètement oublié. En 10 ans, là, il a peut-être eu une projection à Paris, L'Estance à Sophie. C'est vraiment, il est vraiment difficile à voir aujourd'hui, alors qu'il a été, enfin, il est porté par Bernadette Lafont et Bulogier, qui sont des figures assez célèbres, même de la Nouvelle Vague. C'est vrai que c'est très étrange. Mais l'autre chose aussi qui est assez étonnant, c'est que donc, le film est réalisé par un homme qui a d'ailleurs fait tourner Moshe Mizrahi, ouais, donc d'origine israélienne, mais je crois qu'il tournait en France et en fait qui a déjà fait qui a fait des films avec Delphine Sering et en fait c'est écrit d'après un scénario, d'après un roman de Christiane Rochefort, qui est une féministe complètement électron libre aussi des années 70. Donc c'est pas pour rien que le film aussi, bon, le fait qu'il soit écrit par un homme, mais il y a aussi ce roman, cette base là, oui. Voilà. Et elle aussi a été un peu oubliée, alors qu'elle est une figure vraiment importante du MLF, assez contre-courant, assez électron libre aussi. À l'ère des multiples plateformes numériques, les films semblent pouvoir être sauvés de l'oubli un peu plus facilement qu'il y a quelques années. Dans notre deuxième partie du portrait, Callisto évoque son rapport à des plateformes, notamment à YouTube, sur lesquelles on trouve tout et n'importe quoi. Des vidéos de chat comme l'un des films les plus importants de la Nouvelle Vague et dont nous avons déjà fréquemment parlé dans notre podcast, La Maman et la Putain de Jean Eustache. Alors, la première question qu'on t'a posée, elle était assez large, en fait, parce qu'on sait que tu fais des vidéos sur YouTube, des vidéos d'ASMR, on sait que tu regardes aussi des films sur Internet, et on voulait te demander, justement, ton rapport de cinéphile avec Internet en général. Et tu nous as dit que tu regardais beaucoup de films sur YouTube, sur Mubi, sur Tank, sur Netflix, et on se demandait comment, en jonglant avec toutes ces plateformes, tu choisissais les films. Comment tu surfais justement avec cette sensation que tout est disponible peut-être ou pas justement. Ouais, moi ça m'angoisse beaucoup d'avoir beaucoup trop de choix. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal d'avoir des plateformes. Mais même là, je passe trop de temps à regarder. Enfin c'est pas si évident. C'est pour ça que je préfère. En réalité, je regarde pas tant de films sur YouTube. Il y a quelques plateformes que je suis. Par exemple, la plateforme Nova Gaze. Qui est curatée par une amie, Daniela Schreuer, et qui propose des films rares, sous-titrés, donc par exemple les films de Cecilia Manghini. Mais il y a aussi Mubi, Filmin, depuis que je suis en Espagne. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal avec ce choix énorme qui s'ouvre à nous sur Internet. Et donc, comme tu le disais en introduction, enfin, dont on en parle en introduction, c'est vrai que j'aime bien aussi qu'on me recommande des films. Et j'ai très confiance en le regard de quelques personnes qui m'entourent et qui peuvent me conseiller des films. Mais justement, comment tu penses en fait ces images ? Par exemple, tu nous as dit que tu avais regardé La Maman et la Putain sur YouTube, parce que c'est un film qu'on ne peut pas voir ailleurs que sur YouTube. Comment tu réfléchis en fait ? Enfin, quel impact ça a sur ta manière de voir des films ? Le fait qu'ils soient un peu mis, enfin, que tu es sur YouTube, autant La Maman et la Putain, qui est un peu un chef-d'œuvre, enfin, considéré comme un chef-d'œuvre de la Nouvelle Vague, et des vidéos de chats, des vidéos de petits chiots, des vidéos de pranks, plein de choses, quoi. Qu'est-ce que ça fait sur ta cinéphilie en fait ? Bah, je trouve que c'est plutôt bien que les choses soient accessibles et qu'il n'y ait pas forcément de hiérarchisation, même si je pense qu'il y a certains films qui se prêtent mieux à l'espace domestique et d'autres qui se prêtent mieux à la salle de cinéma quand même. Mais bon, comme parfois on n'a pas le choix, donc c'était quand même génial de pouvoir découvrir le film de La Maman et la Putain de Jean Eustache. voilà, qui est juste quand même un film assez magnifique. Donc, où on retrouve Bernadette Lafont. Voilà, on retrouve aussi Bernadette Lafont, exactement. Elle aussi, et l'autre comédienne aussi, dont là le nom m'échappe, parce qu'elle a joué que dans ce film-là. Françoise Lebrun. Françoise Lebrun, mais qui a une voix, pour le coup, que je trouve incroyable. Et c'est un personnage, je crois, enfin, tout est très, très écrit. Elle a une monologue incroyable. C'est ça, c'est des monologues où elle répète le mot à fond, à fond, à fond, mais c'est vraiment son tic de langage, mais en plus qui a été complètement écrit par Jean Eustache, hein, parce qu'il y a très peu d'improvisation dans les films qu'il dirige. Mais par contre, je me perds pas tellement, moi, dans les vidéos YouTube de Petit Chat ou d'ASMR ou choses comme ça. C'est quelque chose que j'ai vachement d'admiration pour les gens qui se perdent et qui arrivent, en fait, à regarder gratuitement, mais des heures et des heures et des heures. Et moi, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. C'est-à-dire que j'aime aussi ce truc d'un film qui va durer une certaine... ou les séries, par exemple. J'aime pas tellement le fait de regarder 50 épisodes à la suite. De flux, quand même, un peu. De flux, voilà. Non, les images, moi, c'est pas quelque chose... Je pourrais pas regarder des films toute la journée, 5 films, toute la nuit. J'essaie d'avoir une rigueur. Et d'échapper au flux. C'est ça, d'échapper au flux. Pas toujours simple, mais... Mais on t'a posé une seconde question... Parce qu'on a vu que ta famille était très présente, en fait, dans tes films, dans la construction de tes films. Et donc, on s'est demandé si tu devais voir un film en famille, lequel ce serait. Et donc, tu nous as répondu d'abord par les films de John Cassavetes, qui sont donc des films où la famille est très importante. Mais tu nous en as répondu par un second, qui est un film qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle Dolores Claiborne. Et c'est un film de Taylor Hackford. Et c'est un très beau film, même s'il est très dur. C'est vraiment un très beau film qui mériterait d'être beaucoup plus connu. Et donc, je voudrais que tu nous en parles et de savoir pourquoi c'est un film à voir en famille, parce qu'il traite de sujets hyper tabous et hyper durs à aborder en famille, justement. C'est un film que j'ai découvert, en fait, grâce à mon oncle, Geronimo Roussopoulos, avec qui j'ai coécrit Delphine et Carole Insoumise. Et en fait, il me l'a recommandé pendant le confinement, pendant le premier confinement. Et donc, c'est d'abord ma mère qui l'a vu, enfin, tous les membres de ma famille, puis mes amis, puisque je l'ai recommandé, on l'a vu à peu près, donc au même moment. Et c'est un film, c'est un thriller féministe, en quelque sorte, qui est adapté d'un livre de Stephen King, donc Dolores Claiborne, et interprété par Katie Bates, qui est vraiment une actrice incroyable qui a joué dans beaucoup de thrillers et dans beaucoup d'adaptations de films, de livres de Stephen King. Et Jennifer Leigh, Jason Leigh. Et ça porte sur des rapports, en fait, au sein d'une famille, entre une mère et sa fille, mais aussi entre une mère et la femme pour laquelle elle travaille et qui se retrouve morte au début du film. Donc, on croit à l'assassinat. On rentre vraiment dans un thriller un peu classique américain qu'on sent qu'on va aimer, mais voilà, on ne sait pas ce que ça peut donner. Et qui nous embarque, qui rend dans quelque chose de beaucoup plus fin, sinueux, qui parle aussi des rapports de domination entre femmes, entre donc une femme qui a de l'argent, qui est très très voilà très bourgeoise et qui exploite un peu cette femme, et en même temps des rapports de solidarité au sein de ces conflits, mais sans jamais effacer les rapports de force, exactement, sociaux. Et c'est ça que je trouve très fort dans ce film. Et donc ça, c'est une dimension du film. Et puis l'autre dimension, c'est l'inceste aussi, dont on traite le film. Et là encore, je trouve d'une manière vraiment très, très belle, très, très forte. Enfin, c'est une histoire... Et la violence verbale et physique au sein d'un couple aussi. Exactement. Parce que c'est l'histoire de cette femme qui fait le ménage chez cette bourgeoise et qui a un mari violent et qui se fait complètement atomiser par son mari, quoi. Complètement, et qui à un moment n'a pas d'autre choix que pour protéger sa famille d'avoir recours à un acte très violent. Et en fait, on le découvrira. Bon, je vais peut-être pas en parler, mais il faut voir le film. C'est un film qui est très beau, qui est un film qui, je pense, est un peu bâtard parce qu'il est, c'est à la fois une production américaine, mais qui est très indépendante dans sa forme et dans le sujet. Et donc, il n'y a eu aucun prix, qui n'a pas été vraiment mis en valeur, je trouve, et qui, comme tu l'as mentionné, mériterait de l'être. C'est, je trouve que ça aborde ces questions-là de manière très juste et très touchante. Dans la troisième partie consacrée à sa mémoire de spectatrice, Callisto évoque les sons qui la hantent, ceux de l'ASMR à la fois cinégénique et absent du cinéma. Puis elle revient sur son rapport aux archives, celles tournées notamment en vidéo par les Insoumuses dans les années 70. Elle raconte comment elle en a été spectatrice avant d'en faire la matière première d'un de ses films et souligne la nécessité de montrer, d'interroger et de fantasmer ces images parfois manquantes. Donc les vidéos d'ASMR, peut-être pour ceux qui connaissent celles et ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est les vidéos de relaxation sur YouTube qui sont parfois relaxantes, mais parfois plutôt excitantes ou flippantes. Et moi, ce que je trouve qui me fascine assez, c'est ce truc d'intimité en fait, sonore. Et c'est des gros plans sonores. Et c'est souvent quand même des femmes qui mettent en place ces situations où elles sont donc tout proches d'un micro-canon ou d'un micro. Et elles vont faire des bruits de bouche, des bruits de respiration. Elles vont tapoter le micro. Des fois, elles ont des très longs ongles, vernis. Donc, il y a quelque chose d'un peu grinçant aussi, un peu flippant. Et je trouve que c'est un univers très étrange que ça convoque parce que c'est super ambigu. C'est à la fois très sexualisé. En même temps un peu sorcière, thérapeutique, avec cette idée que c'est pour se relaxer, mais en fait c'est loin d'être à mon sens relaxant. Mais... Et puis il y a aussi une mise en scène visuelle, puisqu'on voit souvent le bas du visage, où c'est des très gros plans, et il y a tout un travail sur les textures, parce que je pense qu'on ne peut pas écouter de l'ASMR sans voir les images aussi. Et c'est vrai que c'est plus dans les vidéos que je vois ça, dans des vidéos, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intime, quoi, et que peut-être de voir ça sur grand écran, ce serait presque trop, quoi. C'est quelque chose qu'on doit écouter tout seul ou toute seule, parce que sinon c'est un peu gênant, quoi. Il y a un truc un peu honteux de bruit de bouche, de bruit abject, quoi. Mais pourtant, quand on t'a posé du coup la question, tout de suite, tu as pensé à l'ASMR, en fait. Oui, parce qu'en plus, en ce moment, je suis en train de faire une vidéo où j'utilise un peu des bruits comme ça. Donc, je pensais à ça. Et puis, j'en ai fait une avec Anne d'Estival. On avait fait notre version de l'ASMR, une version un peu dark qui s'appelle Les Vernisseuses. Mais oui, j'ai pensé à ça parce que c'est vrai que le son est vachement présent dans l'ASMR, quoi. Et après, je ne sais pas s'il y a des films qui... En fait, les films font toujours ça, parce qu'il y a toujours des bruitages, il y a toujours... Mais peut-être que c'est moins visible ou qu'on le... Que... On va parler d'une autre matière très cinématographique aussi. Parce qu'on t'avait demandé, en seconde question, quelle place avaient les archives pour toi, en tant que spectatrice et en tant que cinéaste? Parce que c'est vrai que c'est avec ça que tu fais tes films, que ce soit le premier, où c'était une archive sonore, que le second, où il est entièrement fait à partir d'archives visuelles. Oui, c'est vrai que l'archive, c'est quelque chose qui me suit. et je pense qu'après, l'utilisation de l'archive dans les deux films est quand même très différente, même si j'y trouve un point commun. Donc, je dirais que dans Delphine et Carole, c'est de valoriser une archive et de raconter une histoire, leur histoire de Delphine, Cyril et Carole Roussopoulos, et de ce mouvement féministe dans les années 70 à travers la vidéo, qui était un médium quand même très, très... qui faisait partie intégrante des luttes et qui est très fragile et qui est malheureusement rarement restauré, qui n'est pas si connu. Ça commence à changer, mais voilà, pour moi, c'était quand même une histoire... Parce que c'est des archives vidéo, ce n'est pas des archives cinématographiques, c'est pour ça qu'on ne les restaure pas. Elles ne se conservent pas de la même façon non plus, en plus, donc c'est compliqué... Ouais, c'est ça. C'est des archives, donc vidéo. C'est un choix politique, en fait. Pardon, excuse-moi, mais c'est un choix politique de ne pas les restaurer, finalement. En plus, oui. Ouais, tout à fait. C'est des images qui peuvent se détériorer beaucoup plus facilement et qui... Oui, je pense que l'histoire des restaurations, de toute façon, et de la conservation et de la préservation des films, c'est très politique, donc et voilà. Donc c'est vrai que Delphine et Carole, c'était avant tout de porter cette histoire, leur histoire, à l'écran en valorisant ces images qui font partie de notre histoire et qui méritent d'être connues et vues du plus grand nombre. Et peut-être dans Eric's Tape, dont le point de départ, c'est cette cassette Audio Arts qui est presque... que Eric Bauer possède depuis très longtemps et qui chérit, qui fétichise complètement et me demande donc de traduire le contenu de cette cassette. Et puis, petit à petit, ça devient une enquête. Et puis, on découvre petit à petit les personnages de cette cassette. Et je pense que là, dans ce film, l'archive devient presque plus un lieu de fantasme, en fait. Déjà pour Eric Bauer, mais aussi pour nous en tant que réalisatrice, on a projeté plein de choses sur ces personnes qui sont les personnes à qui appartiennent ces voix qui sont anonymes au début. Et je crois que c'est ça qui me plaît dans les archives, que ce soit des archives du passé qui sont le prétexte d'un film ou la matière même du film avec Delphine et Carole, c'est que c'est à la fois quelque chose de... C'est une réalité, une archive, c'est une trace de quelque chose, c'est un document, mais c'est aussi un lieu de projection, quoi. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Il n'y a rien d'objectif dans une archive. La manière dont tu vas, par exemple, la monter en la faisant se confronter avec d'autres archives, d'autres images, ça va complètement informer l'archive. Ça va lui faire dire autre chose. Et donc, je pense qu'on peut tout imaginer. Et c'est ça que je trouve très fort, moi, avec les archives. Et c'est aussi la rencontre avec d'autres voix et d'autres images qui ne nous appartiennent pas. Qu'on peut s'approprier aussi. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Qu'on s'approprie, qu'on mange, qu'on fétichise à notre manière et qu'ils deviennent à nous. Donc il y a à la fois un truc d'une rencontre, d'un dialogue, mais aussi complètement de se réapproprier, de piller, de coloniser une image. Donc ça parfois ça peut être aussi problématique, mais moi je trouve que c'est marrant parce qu'avec Delphine et Carole, c'était une très longue période de montage, forcément c'est un film d'archives, mais pas un moment j'ai été saturée ou ennuyée par les images que je voyais, mais parce que c'était pas les miennes aussi. Et ça, je trouve qu'il y a un truc assez beau dans le fait de travailler avec des images qui ne sont pas sorties de nous. C'est que je pense qu'il y a plus d'indulgence aussi. T'avais un plaisir de spectatrice à les regarder, même pendant la fabrication du film. Complètement, je pense que c'est ça, ouais. Alors que si c'était mes propres images, mais je douterais beaucoup plus, je serais là, mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin, voilà. Et les juger beaucoup plus. Ouais, il y a un truc d'indulgence et de curiosité soin. Aussi. Et de curiosité, ouais. Mais d'ailleurs, toujours sur ces archives vidéo, plutôt, est-ce que, pour toi, en tant que spectatrice, elles sont manquantes ? Est-ce que tu aimerais les voir plus souvent dans des films, dans des documentaires ? Est-ce qu'elles sont pas encore suffisamment mises en valeur par ce biais-là, justement ? Celles qui sont, par exemple, celles des années 70, oui, de la vidéo ? Oui. Féministes, par exemple ? Je pense que, de toute façon, ce serait super qu'il y ait d'autres films qui soient faits et que ces films soient montrés. Moi, il me semble que c'est des films qui portent sur les luttes de femmes, le droit à l'avortement, des luttes gays, des luttes lesbiennes, des luttes ouvrières. Je sais pas, pour moi, ça devrait faire partie même du cursus de l'éducation nationale. Enfin, on devrait les voir très jeunes, ces images-là. Et c'est pas juste des images du passé détachées de notre contexte actuel, c'est des images qui, je pense, éclairent ce qu'on vit, qui sont des ressources et qui donnent même envie de faire des films parce qu'elles ont une manière très décomplexée de filmer avec ce nouvel outil vidéo qui était tout nouveau, quoi, à l'époque. Et dont les femmes se sont emparées aussi pour ça, je pense. Comme il n'y avait pas d'école, comme avec le cinéma, il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas cette image du génie cinéaste tout seul à faire son film. Et donc, avec la vidéo, c'était vraiment une pratique collective assez décomplexée où des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être filmées prennent la parole et donc... Et la personne qui n'a pas l'habitude de filmer est face à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être entendues. Et je pense que ça donne une confiance réciproque et qui permet de faire des films très sincères, hein, avec beaucoup d'émotion et de force. Donc oui, je pense que c'est des images qui donnent de la force aussi et qui devraient être montrées très jeunes à l'école et faire l'objet de cycles de programmation. Mais je pense que ça change. Alors on va passer à la carte blanche. Et tu nous as répondu avec le très beau film de Claire Simon, Récréation. Donc qui est très immersif, justement, donc c'est bien pour une carte blanche, je trouve, puisqu'il filme une cour de récré d'école maternelle à hauteur d'enfants, ce qui fait que même les adultes sont un peu coupés. Alors est-ce que tu veux un peu décrire la séquence que tu as choisie? Oui, alors c'est tellement difficile et comme je vous le disais, je suis vraiment assez mauvaise pour décrire les films. Jeu. Et ce qui est terrible, c'est que c'est un film que j'aime tellement et que je veux être à la hauteur de cette séquence qui est magnifique et qui est la fin du film, qui est un happy ending. Et donc, on est dans cette cour de récréation et qui est un peu un territoire de jeu plus ou moins violent. Et dans un petit coin de cette cour de récréation, il y a un groupe de filles et qui ont mis en place un jeu. Donc qui consiste en une plateforme bétonnée un peu surélevée qui surplombe un petit banc d'enfants et elle s'amuse à sauter dans le vide, donc à sauter depuis la plateforme jusqu'au sol. Il faut imaginer que c'est à peu près la moitié du corps de ces enfants. Et donc une petite fille qui doit être en dernière section de maternelle, donc une grande, s'amuse à sauter, donc elle gère complètement le jeu, elle prend son élan, elle court, aucun problème. Très vite, des amies à elle la suivent, elles ont un peu peur, elles y vont, sauf qu'il y en a une qui coince, quoi, qui regarde, je pense que c'est celle qui pense un peu plus que les autres et qui voit le vide. Et qui a les cheveux blonds, crépus, et puis qui commence à avoir le nez qui coule, qui commence à d'abord, elle veut y aller, mais à chaque fois qu'elle prend son élan, elle bute. Et elle se fait narguer par toutes les filles de sa classe, et puis toutes les mêmes, les deuxièmes et premières sections de maternelle qui prennent leur élan et qui sautent et qui arrivent et qui la narguent et qui lui disent « Mais à ton âge ?» Et elle est là, et puis elle essaye, elle n'y arrive pas, et puis on la voit passer, mais vraiment par tous ses états. D'abord la peur, ensuite elle s'apprête à abandonner, mais là elle se ressaisit et puis elle peut plus, quoi. Donc elle s'est embarquée dans ce rite de passage, il va falloir qu'elle le passe, quoi. C'est pas possible. Et donc là après il y a de la frustration, puis il y a vraiment ce nez qui coule et ces gros plans. Elle invoque sa mère, maman, et puis tout le monde qui est là à la narguer, et puis il y a ce cercle comme ça de nanas, de petites filles qui sautent sur le banc et puis qui deviennent vraiment méchantes, quoi. Et elle devient le bouc émissaire de cette petite fille pas courageuse, quoi. Et jusqu'au moment, quand même, et c'est ça que je trouve vraiment magnifique, où elle prend son courage à deux mains. Et il y a deux petites filles, donc celle qui avait inventé le jeu et une autre plus petite, qui lui prennent la main. Et elles prennent leur élan. Et là, ralenti, et on les voit sauter par-dessus le banc. Et on les voit même pas atterrir. Donc, on comprend qu'elles vont... Bon, tout va bien se passer, à mon avis. Et puis, un petit côté un peu Thelma et Louise, où elles sautent dans le vide et on ne sait pas où elles arrivent, mais il y a un truc d'émancipation, voilà. Je crois que c'est vraiment une scène, mais magnifique. Et c'est un film, mais fou. Enfin, je trouve incroyable qu'elle ait réussi à filmer dans cette cour d'école. Les enfants, c'est comme s'ils ne voyaient pas la caméra. Ils l'oublient, mais ils font leurs jeux, qui sont des jeux, franchement, hyper violents. On voit tous les mécanismes de reproduction sociale à l'œuvre, alors qu'ils ont entre 3 et 6 ans. Enfin, c'est les petits garçons d'une violence entre eux, les petites filles qui veulent aider le petit garçon marginal à faire ses petites constructions avec des bâtonnets en bois. Enfin bon, c'est vraiment, je sais pas, c'est un territoire fascinant, je trouve, la cour de récréation. Et le truc le plus fou dans cette histoire, c'est donc qu'elle a tourné le film. Claire Simon l'a monté et en le montant, elle a réalisé que le son était malheureusement vraiment trop mauvais parce qu'il y avait la résonance, la réverbération et puis les cris de la cour. Et donc, elle a tout doublé. Tout ce qu'on entend, tous les propos, les dialogues ont été doublés par les enfants eux-mêmes. Et il y a un making-of que j'ai découvert dans le DVD qu'on avait emprunté à la médiathèque. Du 15e, et où on la voit en train de donner des indications de mise en scène à ces petits-enfants qui sont maintenant peut-être plus en dernière section maternelle, mais au CP ou au CE1. Et de « Non, maintenant, tu dois dire... Tu dis ça comme ça. » Puis l'enfant qui joue, quoi, et qui joue la rage, qui joue la déception, la colère, la frustration, et c'est fascinant, quoi. Mais ce film fait vraiment passer par des états très contradictoires. Et je pense notamment à la toute dernière scène que tu as choisie, parce que la petite fille est vraiment tiraillée entre cette injonction à faire comme tout le monde Et en même temps, elle est quand même aidée par une autre petite fille qui lui tend un peu la main aussi. C'est très contradictoire, je trouve, parce qu'à la fois, elles sont méchantes et parfois, elles sont très bienveillantes. Elles vont lui dire « tu vas y arriver », elles lui prennent la main. Il y a un côté où elles changent de relation à elle en 2 secondes. Mais ouais, moi, je trouve que c'est toute l'ambiguïté et l'ambivalence des rapports humains et des rapports entre filles aussi. Où je pense qu'il y a aussi une injonction à être gentille. Et donc, elles sont tiraillées entre cette chose où certainement que c'est quand même leur amie, donc elles l'aiment vraiment, mais en même temps, elles veulent se moquer d'elle. Et puis, il y a toute forme d'émotion qu'on a tous vécues, toutes vécues en tant qu'enfants, ou des jeux d'enfants vraiment violents. Et puis après, quand elles sont trop méchantes, bah, elles s'en veulent aussi d'être méchantes, parce qu'il y a cette injonction d'être gentille et d'être attentionnée. Et donc, il y a tout ça qui se joue dans une forme de violence, mais aussi de sincérité. Et en même temps, c'est des vraies copines. Moi, je trouve que la scène de fin est belle, parce que c'est vrai qu'après l'avoir un peu narguée, après l'avoir un peu fait voir de toutes les couleurs, on sent qu'en plus, c'est la petite un peu mal dans sa peau. C'est vraiment... C'est un peu le mouton noir des petites filles. On le voit, quoi. Mais malgré tout, elles lui tiennent la main et elles y vont ensemble, quoi. Et c'est grâce à ces deux filles qu'elle réussit à sauter le pas, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est quand même une belle fin qui cache pas la violence entre les enfants, mais qui montre aussi la solidarité. Après avoir parlé des enfants à l'écran, Callisto s'est prêté au jeu de notre questionnaire en répondant à une question difficile, celle du film à transmettre aux générations futures. Imprégné des pensées féministes qui ouvrent depuis quelques années un nouveau regard sur notre monde, Callisto nous parle de plusieurs films transmettant une grande énergie et une saine colère et qui donnent envie de changer la société. Bon, c'est super difficile comme question. Et donc... parce que je pense que tous les films, il y a tellement de films qui mériteraient d'être vus par les générations futures. Je dirais peut-être comme c'est un film que voilà, j'aime beaucoup et qui m'inspire aussi moi dans les vidéos que je fais avec Émilie Noteris, qui sont des sortes de droits de réponse qu'on exerce. Oui. Voilà, c'est ça. Et je dois dire quand même que Mazo et Miso vont en bateau de Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos, Nadia Ringard et Johanna Wieder. Il est vraiment incroyable. Et je pense que c'est un film qui mériterait d'être vu par les générations futures. Ça fait un peu comme un peu donneuse de leçons, mais je trouve qu'il est vachement bien parce que c'est une émission de télé qui est sortie en 75 à l'occasion de la fin de l'année de la femme. Déjà, elles n'aimaient pas ce nom. L'année de la femme, c'est l'année des femmes, parce qu'il y a quand même une existence plurielle des femmes, et qui est une émission complètement misogyne, où Bernard Pivot invite de manière ironique sur le plateau des fiefées miso, donc de la gastronomie, de la couture, un marin, un voilier, enfin, qui fait de la voile. Et Françoise Giroud est invitée à cette occasion. C'est la ministre donc, de la condition féminine, comme on disait à l'époque, et qui est le cul entre deux chaises au sein d'un gouvernement patriarcal et qui est dans une situation de... Plutôt que d'avoir une certaine distance critique vis-à-vis de cette émission, bah, elle est complètement dans la séduction. Et donc, rien ne va, quoi. C'est vraiment l'horreur, cette émission de télévision. Et donc, Delphine Seyrig l'avait vue et avait été mais choquée. Donc, elle l'avait enregistrée et elle avait proposé à Carole Roussopoulos et à quelques autres d'exercer un droit de réponse. Et donc, elles interviennent par le montage au sein de l'enregistrement. Donc, c'est complètement pirate, elles n'ont évidemment pas le droit. Et elles intègrent des réponses, des réactions. Certains propos qui pourraient comme ça être un peu banals, mais en fait, quand on les répète, deviennent aberrants. Et donc, elles jouent avec le montage, la répétition, le ralenti, les cartons. Et moi, je trouve que c'est d'une créativité avec très peu de moyens. C'est hyper efficace et on sent le plaisir qu'il y a à faire ensemble, quoi. Et l'humour qui en résulte aussi, parce que je pense que pour avoir de la répartie dans ce genre de choses, c'est toujours bien d'être à plusieurs et de transcender la colère en quelque chose d'autre, en une radicalité joyeuse, quoi. Et donc, je dirais que c'est un film qui donne de l'énergie. Qui donne de l'énergie, qui donne envie de faire. Et d'ailleurs, nous, avec les vidéos la vidéo que je t'ai envoyée qui s'appelle We Will Cut You, qu'on a fait avec Émilie Noteris, c'est vraiment ça. On prend des textes. Donc, ça peut être le Scum Manifesto de Valérie Solanas, qui est un manifeste féministe radical à prendre au énième degré, mais qui est d'une virulence, qui est hyper intelligent. Ou alors d'autres textes que Émilie écrit. Et on les met en confrontation avec des images d'actualité. Donc, ça peut être des allocutions gouvernementales, des images de violences policières ou de violences sexistes prises par des anonymes avec le téléphone portable. Et on fait résonner ces images. Et parfois, on chante, parfois un peu comme elle aussi, quoi. Et donc, comme quoi, je trouve que nous, ça nous inspire, ça nous donne de la force, mais je pense que ça peut en donner à tout le monde, quoi. Oui, donc, ça semble très joyeux et ludique. C'est ça, c'est ludique, c'est très irrévérencieux aussi. Alors, je ne peux pas m'empêcher de le rapprocher des petites marguerites dont tu parlais aussi, dans l'état d'esprit. Il y a vraiment cette idée, cette voie de faire, de couper, de coller, de bricoler. Oui, c'est ça, de bricoler, en fait. C'est très... Ouais. Et de faire avec ses propres moyens et pas forcément avec l'idée de qu'est-ce qu'un film. Un film, alors il faut passer par la production, tout ce côté très professionnel. Il y a aussi des manières très simples, accessibles de faire des choses. Et ça, des fois, je pense qu'on l'oublie aussi. On est un peu obligé avec des films radicaux comme ça. On ne peut pas les faire par les voies principales. Il faut que ce soit un peu souterrain, mais en même temps, il y a aussi une force à ça. Et c'est très décomplexant de faire et de voir qu'on peut faire des choses à plusieurs facilement. Et ça ne demande pas de moyens de faire des choses comme ça. Après, c'est des films pirates qu'on ne peut pas montrer dans des circuits de télévision. Mais il était sur Tank, donc il était presque plus pirate. C'est vrai. À un moment donné. Enfin, à partir d'aujourd'hui. Mais on t'a demandé une seconde question aussi qui est... On très nous compliqué. A souvent dit assez dur, ouais. Je pense que c'est notre question, l'une de nos questions les plus difficiles quand on la pose, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. C'est donc le film que tu détestes et que pourtant tu recommanderais. Et c'est intéressant parce que tu as choisi Once Upon a Time in Hollywood, donc c'est le dernier film de Quentin Tarantino, et tu nous as dit que c'était un bon exemple de patriarcal gaze et de cynisme à pas suivre. Et le mot patriarcal gaze, je trouve intéressant. Pourquoi tu l'as choisi, celui-là, ce mot, plutôt que celui de male gaze? C'est un peu, je pense que le combat aujourd'hui, il ne se situe pas au niveau d'un regard masculin ou d'un regard féminin qui, je pense que, je ne sais pas si c'est là que la frontière se joue. Moi, ce qui me pose problème, c'est plus un regard patriarcal qui d'ailleurs, peut affecter le cinéma masculin, mais aussi le cinéma féminin ou le cinéma des femmes, je pense. J'aime pas tellement finalement masculin, féminin. Et donc, je pense que... Moi, je trouve que c'est un très bon exemple de regard patriarcal sur le monde. Dans le sens où son film est censé être pour point de départ l'histoire de Sharon Tate. Elle a un rôle, mais absolument sans relief dans le film. Elle est un prétexte, un MacGuffin pour parler d'autre chose. Et l'autre chose, c'est les deux personnages masculins qui sont des personnages... je ne sais pas quoi dire de plus. Pour moi, c'est vraiment des films qui se regardent parce qu'ils sont très bien réalisés. Il y a énormément de moyens. C'est fou de se dire qu'autant de moyens sont déployés pour des films qui sont tellement vides. Donc voilà, pour moi, c'est venu vraiment tout de suite. C'est des films... En plus, c'est terrible, c'est des films bonbons. Donc on les regarde parce qu'ils sont tellement beaux, tellement divertissants. Et en même temps, qui, je pense, se posent n'est vraiment pas les bonnes questions. Quoi. Qui ne se posent pas de questions du tout. Mais je trouve ça quand même dommage, quand même, quand on réalise. Enfin, c'est pas juste dommage, moi je trouve ça fou que des gens aient des millions pour faire des films comme ça. Mais c'est une vraie question, le terme de male gaze ou patriarchal gaze. Et moi, c'est vrai que je suis plutôt pour la team patriarchal gaze. C'est noté. Bon, on va finir ce podcast avec notre question fétiche, qui est celle des films refuges. Donc, on t'a demandé ton film refuge. Alors, tu nous as cité beaucoup, beaucoup de comédies musicales, qui étaient un peu ton genre préféré. Et parmi toutes ces belles comédies musicales que tu nous as citées avec Jacques Demy, avec les comédies musicales américaines comme Grease ou West Side Story, ben, il y en avait une qui était vraiment tout à fait incongru dans la liste, qui était le film The Hole de Tsai Ming-liang, qui est donc une comédie musicale taïwanaise qui date de la fin des années 90, qui est vraiment pas tout à fait refuge. Enfin, en tout cas, quand j'ai vu le film, je ne me suis pas réfugiée dedans. Mais donc, je voulais te demander pourquoi film refuge. En fait, je pense que j'ai pensé film refuge. J'ai pensé à quelques films vraiment refuge pour moi. Donc, quand je pense à refuge, je pense à des films qui me mettent dans un état, qui me réconfortent, qui me font du bien, des films de un moment de cinéma, quoi. Parenthèse. Et là, tu nous as parlé des films de Jacques Demy, par exemple. Plutôt de Jacques Demy, plutôt des films qui sont liés à l'enfance aussi, que j'ai pu voir en boucle. Voilà, pour moi, Peau d'âne, Les Demoiselles de Rochefort. Mais aussi un film, par exemple, que j'ai vu récemment, que j'ai revu récemment, que je trouve vraiment très, très beau, c'est Saturday Night Fever, qui est un film très émouvant, très porteur aussi de, je pense, d'engagement, quoi. Et c'est tellement méprisé comme genre, la comédie musicale, alors que... Avec La La Land, ça revient un petit peu au goût du jour. Oui, mais comme quelque chose presque un peu mainstream dans ces cas-là. Mais c'est pas un genre sérieux. C'est pas un genre... Et donc, je pense que j'ai un peu dérivé avec Tsai Ming-liang, parce que ça m'arrive aussi de regarder juste les séquences musicales qui sont sur YouTube accessibles. Mais c'est vrai qu'au sein du film, elles font office de refuge et de bonbons un peu chaleureux dans un film qui est assez inhospitalier quand même. Complètement. Le film est complètement inhospitalier et je pense qu'il résonne beaucoup avec ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un film sur une épidémie, quoi, la contagion, et dans un espèce de no man's land, on ne sait pas trop où on se trouve, dans un pays asiatique, peut-être en Taïwan, on ne sait pas très bien. Dans un immeuble à moitié désaffecté, très sale. C'est ça, tout à coup, plein de fuites, où tout à coup, les gens se transforment, il y a une épidémie, et se transforment en cafards et recherchent des coins les plus humides, où se réfugier. Et donc oui, donc c'est sûr que le sujet est loin d'être réconfortant, mais c'est vrai que tout à coup le film est ponctué aussi de ces séquences musicales complètement baroques, hyper pour moi, qui sont vraiment refuge. Donc peut-être qu'effectivement c'est pas le film en tant que tel, mais c'est les fragments musicaux en costume qui font du bien, quoi, et qui sont un contrepoint tellement grand à l'austérité, à la froideur et à la noirceur du film par ailleurs, que là c'est un bonbon, quoi, dans le film. Et je trouve que c'est un bel exemple de film à la fois très profond et en même temps qui veut pas nous enfoncer aussi loin, et donc qui nous donne quand même les moyens de des perches pour ne pas sombrer. C'est vrai qu'on à la fin du film, on n'est pas abattu, parce qu'on en part avec ce souvenir des scènes chantées, finalement, qui sont extrêmement colorées, alors que le reste du film est très sombre, très terne. Mais c'est vrai qu'on se souvient surtout de ça, finalement. C'est vrai. Mais justement, alors, ta réponse sur les refuges était assez intéressante, parce que t'es parti, en fait, de tous ces films bonbons liés à l'enfance pour arriver à The Hole. Mais entre-temps, tu nous as parlé aussi de comédies musicales qui sont à la fois des bonbons et qui sont quand même très conscientes socialement. Donc, tu parlais de Saturday Night Fever. Mais tu nous as aussi cité la très belle comédie musicale d'Agnès Varda, L'une chante, l'autre pas. Et j'ai l'impression qu'il y a le côté comédie musicale à la demi et le côté conscient féministe qui se rejoignent, en fait, qui convergent vraiment dans ce film. Ouais, est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu? Ouais, je trouve que c'est encore une très belle histoire d'amitié entre deux femmes qui parfois se perdent parce qu'elles suivent leur chemin, des moments se retrouvent et elles sont là dans les moments compliqués. Ça parle d'avortement, de comment on fait quand, de séparation, de maternité. Et y a un côté, et c'est ça que je pense que j'aime dans le genre de la comédie musicale. Et quand elle est non seulement refuge, mais qu'elle est aussi poétique et politique, comme dans ce film-là, c'est qu'il y a quelque chose de loufoque aussi, et qu'on peut tous autoriser. Et je pense que c'est ça aussi le cinéma, c'est quand même aussi de sortir de ce quotidien, ou de transformer le quotidien, des choses qui sont vraiment anodines, à travers le regard, en autre chose, en quelque chose qui nous transporte un peu et qui nous sort de ça. Et c'est vrai que les séquences chantées dans L'une chante, l'autre pas, c'est pas qu'elles émergent comme une comédie musicale, parce qu'elles sont toujours liées à des moments particuliers, et tout à coup elles se mettent à chanter, mais c'est pas que... C'est dans le film, c'est des concerts qu'elle donne, donc c'est cohérent par rapport à l'histoire. Exactement, c'est ça. Donc c'est pas, voilà, donc ça, c'est pas tout à fait une comédie musicale dans ce sens-là, mais ça chante. Mais ça chante, ouais. Et je trouve que ça fait du bien. Ça chante, ça danse, et c'est vrai que moi, c'est un genre que j'aimerais bien explorer aussi à un moment. Et non, et c'est un très beau film que j'ai découvert tard, qu'une amie m'a offert le DVD pendant le confinement aussi, ou peu de temps avant. Et que j'ai trouvé vraiment super beau, et aussi dans les couleurs, parce que la comédie musicale et tous ces films que j'ai cités, c'est des films qui sont colorés, baroques en fait. Ça va loin dans ça peut friser le ridicule, et justement je trouve qu'il y a un côté très décomplexé et décomplexant à ça. C'est que peut-être parce que moi j'ai toujours peur d'être ridicule. Et j'ai honte de tous ces petits bruits, toutes ces choses qui me fascinent. En même temps, c'est des choses qui, moi, individuellement, me font honte. Et je trouve que j'ai tellement d'admiration et tellement pour ce côté, on peut friser le ridicule, et en même temps, non, parce que non, ça parle de choses qui sont des choses sérieuses, mais d'une manière qui les rend un peu plus légères. Et donc, elles sont refuges dans ce sens-là, ouais. Bah merci beaucoup, Calisto, pour ce merveilleux refuge et ce merveilux portrait. Merci à notre cher Gabriel pour sa musique, et un grand merci à Francescus, à Irène et à Rémi qui nous ont permis d'enregistrer cette émission dans la grande salle du Cinoche. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux ou de vive voix, et d'ajouter quelques étoiles sur votre appli podcast. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. À la prochaine !